de Radio Chevaucheur, bonjour, quoi de neuf? Pourra-t-on travailler dans les jardins cette année? Radio Chevaucheur, il est 9h. Et oui, l'émission Quoi de neuf, pourra-t-on travailler cette année dans les jardins? Radio Chevauchard 105.5 depuis le 7 rue Le Chevauchard à Lèves. À 9h30, votre émission L'Apéritif Musette. Nous serons en direct depuis la guinguette de Radio Chevauchard où là Jean-François vous attend. Anniversaire People aujourd'hui, Maître Gims. Demain, nous aurons Christian Clavier. Puis mardi, Zoé Flix. Mercredi, Marie Myriam. Jeudi, Chris. Vendredi, Pop Sinclair. Samedi, Renaud. Et dimanche prochain, Michel Fugain. Soutenez votre radio au numéro de compte suivant BE 91 06 323 10 96 976. De ce 882 livres sont sortis pour ce mois de mai, entre autres le carnet secret de Maranda, la dame au charme secret et médiation des immortels. Aujourd'hui, la Saint-Judith, eh bien, la Saint-Judith, et c'est pour une dame secrète qui travaille ordonnée, qui a le temps qui va durer dans le travail. Et c'est la journée de la femme, la sage-femme aujourd'hui, et l'hygiène des mains. Vous avez joué au loto, vous êtes peut-être les heureux gagnants de numéro suivant. Et bien... Le 2, le 5, le 6, le 19, le 34, le 43 et le 13. Pour le Joker Plus, 739, 717, signe Sagittaire. Un petit essai du côté de la guinguette de Radio Chevauchard. Jean-François, comment vas-tu? Ah, Jean-François, est-ce que tu m'entends? Diane, je t'entends. Ah, voilà, oui. Je t'entends très bien, d'ailleurs. Alors, moi, je suis prêt à vous accueillir ici à la guinguette. Je vais mettre le café en route, donc à mon avis, pour 10h30, c'est à peu près la tape. Diane, il faut combien de temps pour que le café passe? Oh, une petite demi-heure, Jean-François. Ah oui, donc je le mettrai en route vers 10h, sinon ben, je vous entends, je suis prêt. J'ai déjà eu des coups de fil, ben voilà, donc ça va arriver tout doucement. Et on est là, n'oubliez pas, dès 14h, vous aurez l'animation musicale en compagnie de Jean-Yves, Lisiane, et puis toute la matinée, ben, vous pouvez venir prendre l'apéro notamment, et puis visiter nos petits stands qui vont commencer à s'installer d'ici, bon, à mon avis, une bonne demi-heure. Alors, on va essayer de rectifier un petit peu le son de ton micro ou de l'arsène qu'il y a derrière toi, Jean-François. Je te reprends après. À l'écoute de Radio Chevauchard, merci d'être présent cet après-midi, cette matinée, cette rue Le Chevauchard à Lèves, l'entrée est gratuite. N'oubliez pas de venir nous rejoindre, bien sûr, c'est vous qui nous aidez à continuer cette radio depuis 42 ans. Alors on vous attend, cette rue Le Chevauchard à Lèves, tout au long de cette journée. Nous allons écouter maintenant Ken V sur les antennes du Chevauchard. Ah, il faut prendre la vie du bon côté hein, sur les antennes de Radio Chevauchard. Jean-François, je reviens vers toi. Oui, je ne sais pas si ça va mieux. Ah, nickel maintenant. Ah, voyez. On est réveillé. Tu as bien travaillé. Tu pourras avoir ton petit croissant. Ah, ben c'est gentil, merci bien. Oh, on aurait pu vous inviter d'ailleurs à prendre le petit déjeuner avec nous. Pourquoi pas? Hein, Lisiane? Oui, on peut faire ça la prochaine fois, Jean-François. La prochaine fois, on peut faire ça. Alors, comme tu le disais, ben voilà, c'est la deuxième édition qu'on fait la journée de la femme. Elle sera peut-être un peu moins importante, celle-ci, que l'an dernier, puisque l'an dernier, on l'avait fait le 1er mai. Je pense que le prochain, ben, on va la reprévoir le 1er mai, hein, Lisiane. Ça sera mieux, oui, je crois. Ça sera mieux, je pense. Hein, voilà, 1er mai. Et puis, c'est la journée du travail. Et c'est la journée du travail. Il n'y a que ce jour-là qu'on ne travaille pas, puisqu'on se repose. Voilà. Donc, on a le temps de venir près de nous. Oui, c'est ça, Jean-François. Eh bien, c'est parfait. Alors, bonne émission à toi, Lisiane. Vous formez le numéro habituel, et puis voilà, le tour est joué. Allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Jean-François qui vous attend également avec des jeux. Alors, si vous aimez jouer, c'est l'occasion de venir nous rencontrer. Pour la fleur du mois, ce sera le lys, la pureté et la richesse. C'est une plume, plante vivace et bulbeuse. Pour ce qui est du bijou, c'est l'émeraude. La fertilité, l'amour, la sagesse. Et la couleur est verte profond. Aussi, on associe le mois de mai à la marguerite. Douceur, l'humidité et l'honneur. C'était les trois fois, les trois cafés gourmands avec un autre souvenir. Acceptez ma rengaine. Elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Et déjà 9h22 minutes et nous allons écouter l'étoile semaine Frankie Steven, toute donnée que vous allez écouter pendant une semaine. Tout donner pour être heureux, je voudrais surtout... Francky Steven, qu'on aura la possibilité normalement le voir le 15 juin pour les 42 ans de Radio Chevaucheur à la Guinguette. Le podium est ouvert à nos artistes le 15 juin. Alors nous allons continuer cette émission avec un autre artiste que je vais vous faire écouter. Lui, il a sorti son CD il y a 2 mois, mais il est dans les bacs depuis le 15 avril. C'est Augustin Galliana sur les antennes de Radio Chevaucheur. Et je vous rappelle que pour l'agenda de Radio Chevaucheur, le 19 mai, nous aurons jeu, bingo et karaoké. N'oubliez pas de vous inscrire si vous le souhaitez, ou simplement venir ce jour même. Et alors, le 26 mai, nous aurons à la Guinguette Cathy Minet. Et là, on vous prévoit un petit repas qui sera la plancha de 2 viandes, la salade, et les pommes de terre, ainsi que l'apéritif. Vous pouvez prendre déjà vos renseignements aujourd'hui à la Guinguette de Radio Chevaucheur. N'oubliez pas que nous sommes déjà ouverts. Et le dimanche 2 juin, nous aurons Josiane Martin, et puis nous arriverons le 15 et 16 juin pour les 42 ans de Radio Chevaucheur. Et là, après, si tout va bien, nous aurons un repas éphémère pour l'antenne de Radio Chevaucheur qui sera remise. Les tables seront de 4 personnes. C'est un jour au soir. C'est le 22 juin. Et alors là, naturellement, il faut vous inscrire car les places seront limitées. Et on vous concoctera une soirée un peu spéciale. Ce sera le 22 juin, mais vous pouvez déjà prendre vos renseignements à Radio Chevaucheur. Alors, on va écouter le titre suivant que je viens de vous l'annoncer. C'est Augustin Galliana. Comment Kinder? Voici votre apéritif musette, comme chaque dimanche matin. Bienvenue dans cette émission, l'apéritif musette. L'émission est parrainée par Karine et David de Courrières, Josette et Émile de Biol, Josette Francine, Nicole et Jacques, Gisèle de Gèves, Jacqueline et Michel de Bouche, Eliane de Profondeville, Simone de Denay, Alain Denis de Malone, Loulou d'Ivoire, Robert et Yves, François et Monique d'Assière. Merci parrain et marraine et bonne journée. De Radio Chevaucheur est ouvert et Jean-François aussi. Ah va Jean-François? Je ne sais pas s'il nous écoute. Non, pas pour le moment. Tu me surprends, Lisiane. Ah, je te surprends. Voilà. Il y a un peu d'harcèle chez toi. Oui, mais c'est normal, c'est parce que je bouge beaucoup. Et ici, je suis dans le fond de la guinguette. Ah oui? Donc, et c'est pour ça que la variante de son que tu avais tout à l'heure, c'est peut-être un peu ça. Ah oui, d'accord. Voilà. Et alors, Jean-François, comme je vais passer le prochain morceau, j'espère que tu l'as préparé, l'apéritif. L'apéritif, oui, il est prêt. Il n'y a plus qu'à. Un bon verre d'eau, hein? Pardon? Un bon verre d'eau. Oui, mais il n'y a pas que l'eau, hein? Il y a autre chose aussi. Ah oui, mais moi, je commence par l'eau pour commencer. Hein. Ah oui, commence toujours un bon verre d'eau, et puis après, on met le Ricard, quoi. C'est comme on veut. Ah ouais, ça, on verra plus tard. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Oui, tantôt, des années. Je vais l'offrir à mon beau-frère Michael qui fêtait son anniversaire hier. Une bonne journée, Michael.